captivés, attirés tous deux comme des aimants. Captivés, on a quelque chose en commun. Ce petit je ne sais quoi qui nous donne l'impression d'être amants. Pourtant je te vois en pleine réflexion. Mais il n'y a rien de plus fascinant que se retrouver. Laisse parler ton cœur, il suffit de t'avouer. Les médisants et les jaloux n'ont qu'à jouer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on veut pas se louper. Pas de temps. Parce que c'est vous et vous êtes qui fait ça qui m'achète. En ça vous besoin de temps et qu'est-ce hésitant.